secours, c'est pour faire peur aux jaloux. Dans cette chanson d'amour qui n'a que deux mots, c'est tout. De joie, moi qui n'espérais plus rien, je vais dormir dans tes bras je vais brûler, chaque jour autant que chaque nuit, il ne s'éteindra jamais, jamais dans mon cœur cet incendie. S'éteindra jamais, jamais dans mon cœur cet incendie.